commence par l'euphorie, puis finit par la folie. Quand la phobie du taudis te maudit comme dans l'allégorie. Oh oui, la rue me saoule comme ces putains de films de boules que j'ai trop maté, laté, devant la télévision. Vision pessimiste dans une vie pas si mal. Moi je suis ma propre racaille et j'ai ma faiblesse animale. R-L-Y-K, fils de Dieu le père depuis le bercail. Moi j'aime la maille et pas l'ail ou l'ail. Mais je suis blasé d'entendre toujours les mêmes soupirs, les mêmes sourires consumés, les mêmes mensonges, les mêmes sous qu'on peut pas consommer. Ouais check ça frérot, on connaît tous la même dèche, tous dans la même crèche. Je tends la perche, je coûte ton dèche, tout dèche. So fresh, so clean, ça le mérite d'être clair. Elle t'oppresse, elle t'opprime. Tu faiblis face à ta misère, tu t'encrases dans tes crimes. La rue te saoule comme divers. Celui qui s'empresse et s'incline, soldat, il n'est pas fait pour la guerre. La rue m'a saoulé, comme si ta colle est à fait. La rue m'a saoulé, en bouille, douille, par tes cagoules. Elle m'a saoulé, la rouge, jeune poil, mauvais garçon. Et je suis saoulé, j'ai de l'école de la rue. La rue m'a saoulé, comme si ta colle est à fait. La rue m'a saoulé, en bouille, douille, patrouille, cagoule. Et elle m'a saoulé, la rouge, jeune poil, mauvais garçon. Et je suis saoulé, j'ai de l'école de la rue. La rue me saoule. La tête au liqueur, au cerveza, au fer la rue, elle pèse et ouais c'est vrai ça. La rue me saoule, me souille, parfois me dépouille comme un mec sous ses coups. J'ai eu de rap et débrouille, trop d'embrouille. Coup de bouteille lâche, d'embouteillage, lunin dans les parages, armé comme au Moyen-Âge. S'il y a moyen moyenné, page moyenne, voyenne, en PXL, trop d'MC IN. PAD, Y, deux consonnes de voyelles. Pas assez voyou, un MC hors de la moyenne. La rue me saoule, gymnase et vapeur toxique. Des foules en box kick ou avec une boque et du shit. La rue me saoule, rapporte pas de sous et beaucoup de soucis. Le 666 peut faire nous ses disciples. Assis sur un banc, j'attends le messie. La rue a fait de moi un alcoolique à vie. La rue m'a saoulé, comme si ta colle est à fait. La rue m'a saoulé, en bouille, douille, pas de cagoule. Elle m'a saoulé, la rue jeune squal, mauvais garçon. Et je suis saoulé, j'ai de l'école de la rue. La rue m'a saoulé, comme si ta colle est à fait. La rue m'a saoulé, en bouille, douille, pas de cagoule. Elle m'a saoulé, la rue jeune squal, mauvais garçon. Et je suis saoulé, j'ai de l'école de la rue. C'est absurbain, main sur les burnes, Dieu sur les dunes, bruit de la brune, qu'on noie l'ail garou, ça devient urgent. La rue saoule, la drogue soulève, le croire ça soulage, armé sur soi du joujou, dès qu'on sort les bijoux. Mon coin dit 80 districts, d'ici on voit ni l'OTAN ni la Tonyor. C'est ap, pensez dans nos halls, street hall, moi je suis Molum, drums du hash dans les drums. 4 rapides, carabine, carabine, barapute, la rue c'est rami. Les caméras filment, hey, les commérages filment. Les camarades fouillent quand les dix débarquent, foutage. Oui, teenager pense grave aux chignettes. La zone pour son procureur, ok. Baisse les procureurs et les juges et les profs et les dix. Mais quoi dire aux parents, m'en pleure pas, je suis venu pour construire. Comme si ta colle est à fait. En bouille, douille, pas de cagoule. Je suis saoulé, j'ai de l'école de la rue. La rue m'a saoulé, comme si ta colle t'a saoulé. La rue m'a saoulé, en bouille, douille, patrouille, cagoule. Et elle m'a saoulé, la rouge, jeune squal, mauvais garçon. Je suis saoulé, j'ai de l'école de la rue. La rue me saoule, biche, part en vie de guerre. La rue me saoule, biche, t'en garde pas de guerre. La rue me saoule, braquage et ça, la rue me saoule. En brouille, touille, pas tout cagoule. La rue me saoule, biche, parc en vitière. La rue me saoule, biche, t'en garde par vitière. La rue me saoule, dis, braquage et ça, la rue me saoule. En brouille, touille, pas tout cagoule. La rue me saoule, frérot, hein, cette putain de rue me saoule. Toutes ces embrouilles, cagoule, patrouille, LPC.